بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فعنوان المحاضرة إن صح التعبير هو الحياء في ضوء الكتاب وسنة النبوية. Donc le sujet de la conférence, inshallah ta'ala, est la pudeur à la lumière du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai essentiellement utilisé un livre de Cheikh Salim al-Hilali et aussi des explications de Cheikh Mohammed bin Saleh al-Uthaymin dans Sharh Riyad al-Salihin et aussi des paroles de Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr dans son livre Fiqh al-Asma al-Husna et d'autres livres aussi. فالحياء خلق دعا إليه الإسلام وحث عليه ورغب فيه. فالحياء خلق اتفق على استحسانه جميع الأنبياء والمرسلين من أولهم إلى آخرهم. والحياء خلق أقرته العقول السليمة والفطر المستقيمة. La pudeur, qui est le sujet du cours d'aujourd'hui, est un comportement auquel l'islam appelle, l'islam incite et encourage. La pudeur est aussi un comportement que tous les prophètes, sur eux la grâce d'Allah et la paix, du premier au dernier, ont approuvé. Et la pudeur est aussi un comportement que la raison saine et que la nature saine de l'homme accepte. فَلِمَاذَا دَعَا إِلَى الْإِسْلَامُ إِلَى الْحَيَاءِ وَحَثَّ عَلَيْهِ وَرَغَّبَ فِيهِ وَمَنْ فَهِمَ هَذَا فَقَدْ فَهِمَ بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ التَّوْحِيدِ وَهُوَ مَعْرِفَةُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ فَإِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى أَسْمَاءً وَصِفَاتٍ وَاللَّهُ تَعَالَى يُحِبُّ ظُهُورَ آثَارِهَا فِي خَلْقِهِ أي الله جل وعلا حَيٌّ يحب الحياء ويحب أهل الحياء. الله عز وجل كريم يحب الكرم ويحب الكرماء من عباده. الله عز وجل رحيم يحب الرحمة ويحب من عباده الرحماء. الله عز وجل محسن يحب الإحسان ويحب من عباده المحسنين. والله شكور يحب الشكر ويحب من عباده الشاكرين. الله اجعلنا وإياكم منهم. ولهذا دعا الإسلام إلى الحياء. Pourquoi notre religion appelle-t-elle à la pudeur? Pourquoi incite-t-elle à la pudeur et encourage-t-elle la pudeur et le comportement de la pudeur? Celui qui aura compris ce point aura compris un point très important du tawhid qui concerne la connaissance des noms d'Allah Azzawajal et de ses attributs. Parce qu'Allah Azzawajal a des noms et Allah subhanahu wa ta'ala a des qualités. Comme il s'est nommé et comme il s'est décrit. Et comme l'a nommé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il l'a décrit dans les hadiths authentiques. Et Allah Azzawajal aime voir l'impact de ses noms sur ses créatures. Regardez, Allah Azzawajal parmi ses noms, c'est le pudique. Et Allah aime la pudeur. Et Allah Azzawajal aime ceux qui sont pudiques. Allah Azzawajal est le généreux. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime la générosité. Et il aime parmi ses serviteurs ceux qui sont généreux. Allah Azzawajal est tout miséricordieux. Il aime la miséricorde et il aime ceux parmi ses serviteurs qui sont miséricordieux. Allah Azza wa Jal est bienfaiteur. Il aime la bienfaisance et il aime parmi ses serviteurs ceux qui font preuve de bienfaisance. Allah Azza wa Jal est reconnaissant. Lorsqu'on fait peu, Allah Azza wa Jal nous donne beaucoup. Et Allah Azza wa Jal aime la reconnaissance et il aime que ses serviteurs soient reconnaissants. C'est pourquoi l'islam, notre religion, appelle vers la pudeur, qui est une qualité d'Allah Azza wa Jal et qui est aussi un des noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala. والدليل على أن من أسماء الله تعالى الحي وأن الحياء من صفاته قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا وهذا الحديث صححه شيخ الألباني في صحيح الجامع ويقول الإمام العلامة ابن القيم أو ابن قيم الجوزية في مدارج السالكين يقول رحمه الله وأما حياء الرب تبارك وتعالى فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول وهذه هي القاعدة في أسماء الله وصفاته فإنه حياء الله فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال فإن الله تعالى حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراء ويستحيي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. La preuve que le pudique fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi que la pudeur fait partie des qualités et des attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est la parole dans Sourate Al-Baqara où Allah Azza wa Jal dit: certes, Allah ne se gêne pas de donner un exemple ou de donner en exemple une moustique ou autre chose au-dessus. Et parmi les hadiths, il y a le hadith de Salman al-Farisi. Le hadith a été authentifié par Cheikh al-Albani dans Sahih al-Jami' où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah Azza wa Jal est pudique et généreux, et il est gêné lorsque son serviteur lève ses mains vers lui de laisser ses mains vides. Et regardez ce que dit Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dans Madarij al-Salikin. Il explique en réalité la règle et la croyance des gens de Ahl al-Sunnati wal-Jama'a concernant les attributs d'Allah et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il l'applique à l'attribut de Al-Hayyun. Al-Hayyun. Et Al-Haya, à la pudeur. Il dit, rahimahullah, quant à la pudeur d'Allah vis-à-vis de son serviteur, c'est une autre forme de pudeur que la raison ne peut cerner ou que la raison ne peut interpréter son comment. Il s'agit d'une pudeur empreinte de générosité, de bonté et de majesté. Car Allah Azza wa Jal, comme le prophète l'a dit, est pudique et généreux. Et Allah Azza wa Jal est gêné lorsque son serviteur lève ses mains, lorsqu'il fait dua, vers lui de laisser ses mains vides. De même qu'Allah est gêné, Jalla Jalaluhu, de châtier celui qui a vieilli dans l'islam. Voilà ce que dit Cheikh Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullahu ta'ala. فَالْحَيَاءُ خُلُقٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ لِهَذَا كَانَ الْحَيَاءُ مِنْ خُلُقِ الْأَنْبِيَاءُ وَسَلَفِي هَذِهِ الْأُمَّةِ. La pudeur est un comportement ou une attitude qui est aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi on va retrouver que tous les prophètes ont adopté ce comportement de pudeur. Ils étaient tous pudiques. Et les salaf salih, à leur tête les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient des hommes qui avaient la pudeur et étaient des hommes qui étaient pudiques. Concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez ce hadith. Akhraj al-imam al-Bukhari wa muslim an Abi Sa'id al-Khudri رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu nous dit à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit le prophète était plus pudique qu'une vierge dans son boudoir. C'est un endroit où les femmes s'isolaient. Il était plus pudique que cette femme. Et écoutez ce hadith concernant les prophètes et la pudeur chez les prophètes. Akhraj al-Imam al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima an Abi Huraira radiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم إن موسى كان حيا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه كان يستحي من الناس وكان يستحي من الله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى يغتسل وحده لماذا؟ لأنه كان حيا فقالت بنو إسرائيل والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آذر فيه عيب فيه مرض فذهب مرة يغتسل أي موسى فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر وفر معه الثياب فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى نظرت إليه بنو إسرائيل وهو عريان فقالوا والله ما بموسى من بأس وأنزل الله عز وجل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. Concernant la pudeur chez les prophètes, écoutez ce hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim avec des versions différentes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'après Abu Huraira dit le prophète Moussa était pudique et il était décent et il ne montrait jamais rien de son corps. Et les Banu Israël, lorsqu'ils se lavaient, ils se lavaient nus et les uns regardaient les autres. Quant à lui, Moussa alayhi salam, il s'isolait et se lavait tout seul. Alors ils ont commencé à parler et à dire des accusations sur lui. Ils ont dit par Allah, ce qui empêche Moussa de se laver avec nous, c'est qu'il a une maladie. Dans l'explication du hadith, il est dit, c'est une maladie qui correspond aux hémorroïdes. Ou d'autres disent, il a une anomalie. Alors un jour, Moussa, alayhi salam, est allé se laver, et il a posé ses vêtements sur une pierre. Et la pierre sur laquelle il a posé ses vêtements s'est déplacée. Alors Moussa se mit à poursuivre cette pierre, en disant, ma pierre amène mon vêtement, la pierre amène mon vêtement. Et ainsi, jusque Banu Israël ont vu Moussa comme Allah Azzawajal l'a créé. Et lorsqu'ils l'ont vu, ils ont dit, par Allah, il n'a aucune anomalie. Il est comme nous. Et c'est Allah Azzawajal a descendu un verset dans le Coran qui parle de cette histoire. Il dit, oh vous les croyants, ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moussa. Allah Azzawajal l'a ensuite innocenté de leur accusation. Il était honorable auprès d'Allah Azzawajal. Donc les prophètes étaient pudiques. والحياء خلق من سلف هذه الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث صححه شيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة إن أشد أمتي حياء عثمان بن عفان. ويخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه وساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الحال فتحدث معه النبي صلى الله عليه وسلم ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك ثم استأذن عثمان بن عفان رضي الله عنه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه على فخذيه وعلى ساقيه وسألت عائشة رضي الله عنها عن ذلك لماذا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة فالحياء خلق من خلق السلف الصالح. Donc La pudeur était aussi un comportement connu de nos pieux prédécesseurs. Écoutez ce que le prophète sallam dit à propos de Uthman radiallahu anhu, et ce hadith se trouve dans la silsila des hadiths authentiques authentifiés par Cheikh al-Albani rahimahullah. Le prophète sallam dit: l'homme qui avait le plus de pudeur dans ma communauté, ou l'homme qui a le plus de pudeur dans ma communauté, c'est Uthman ibn Affan. Et pour comprendre cette parole, écoutez ce hadith rapporté par l'imam Muslim. Aïcha radiallahu anha nous dit: un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis dans sa maison, et les cuisses ou les jambes du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient découvertes, alors Abu Bakr est venu, il a demandé l'autorisation d'entrer, le prophète lui a accordé l'autorisation, et le prophète est resté comme il était, et ils se sont mis à discuter. Omar ibn Khattab radiallahu anhu de même est rentré, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas changé. Lorsque Uthman ibn Affan radiallahu anhu a demandé l'autorisation du prophète, au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'entrer, avant que Uthman n'entre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est redressé et il a ajusté son vêtement. Il a recouvert avec son vêtement ses jambes ou ses cuisses, ou sa cuisse. Et regardez, Aïcha radiallahu anha, elle a observé cette scène. Et elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam après: pourquoi, au prophète d'Allah, lorsque Abu Bakr et lorsque Omar sont entrés, tu n'as pas changé, tu es resté tel que tu étais? Et lorsque Uthman est rentré, avant qu'il n'entre, tu couvres ton corps et tu t'es redressé. Et alors Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: comment ne pas éprouver de la pudeur envers un homme, envers Uthman, alors que les anges éprouvent de la pudeur à son égard? Subhanallah. ولما كان الحياء بهذه المكان في شرعنا فالمحاضرة إن شاء الله تعالى تكون عن الحياء حول العناصر التالية وهي ستة. Et vu la place qu'occupe la pudeur dans notre religion, et malheureusement le manque de pudeur à notre époque chez les gens en général et chez les musulmans en particulier, إن شاء الله تعالى la conférence ou le cours, le rappel portera essentiellement sur la pudeur et nous traiterons de 6 points. C'est toujours difficile dans une conférence parce que le principe d'une conférence est de traiter un sujet de manière globale. C'est vraiment difficile. Nous allons traiter de 6 points. Awalan al-haya'u lughatan wa shar'an. Ma ma'na al-haya'? Premièrement, nous allons voir que veut dire la pudeur au sens littéral et au sens religieux. ثانيا الحياء خاصية بشرية. Nous allons voir que la pudeur est une spécificité humaine. C'est comme ça qu'Allah Azza wa Jalla a créé l'homme. ثالثا فضائل الحياء. Nous allons voir les mérites et les vertus de la pudeur en islam. رابعا انواع الحياء. Nous allons voir les différentes formes ou les différentes catégories de pudeur. خامسا امور تعين على الحياء. Nous allons voir certaines choses qui aident à acquérir la pudeur et avoir une attitude pudique. سادسا امور لا تعد من الحياء. Et sixième et dernier point, nous allons voir ce qui ne fait pas partie de la pudeur et peut-être qui aux yeux des gens fait partie de la pudeur. فنبدا بالعنصر الاول وهو الحياء لغه وشرعا. Commençons par le premier point, c'est-à-dire le sens de la pudeur au sens littéral et au sens religieux. Al-haya'u lughatan huwa taghyirun wa inkisarun wa inqibadun ya'tari an-nafs al-insaniyya min khawf ma yu'abu bihi. Qala Jarir: lawla al-haya'u la'adani isti'bar wa la zurtu qabraki wal habibu yuzar. Donc la pudeur au sens littéral, qu'est-ce que ça veut dire? En langue arabe, la pudeur signifie ou désigne le changement, la rupture ou la rétractation qui s'empare de l'âme humaine par peur face à une chose blâmable. Un changement de comportement à cause d'une chose blâmable. Écoutez ce que dit le poète. Il dit: si ce n'était la pudeur, j'aurais de nouveau versé des larmes. J'aurais visité ta tombe, car on visite l'être bien-aimé. أما الحياء شرعا فهو خلق سني يبعث على ترك الأمور القبيحة فيحول بين الإنسان وارتكاب المعاصي ويمنعه من التقصير في حق ذي حق. ويدل على هذا المعنى الشرعي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Que veut dire le mot pudeur au sens religieux, ou lorsqu'il est utilisé dans les versets du Coran, ou lorsqu'il est utilisé dans les hadiths prophétiques? Ce mot désigne un comportement éminent, une bonne attitude, qui pousse à délaisser les choses répréhensibles, premièrement. Un comportement qui s'interpose entre l'homme et la désobéissance. C'est un obstacle entre toi et la désobéissance, deuxièmement. Troisièmement, la pudeur est un comportement qui empêche l'homme d'enfreindre les droits d'autrui. Voilà ce que veut dire la pudeur au sens religieux. Et on retrouve le sens du mot pudeur dans un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par l'imam Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: parmi les choses qu'ont retenu les premières prophéties, c'est si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. وقد أورد العلماء تفسيرات كثيرة في معنى هذا الحديث منها. Et les hommes de science ont rapporté plusieurs explications à propos de ce hadith. أولا معنى هذا الحديث هو أمر بمعنى الخبر، لأن الذي يكف الإنسان عن مواقعة الشر هو الحياء، فإذا تركه إذا ترك الإنسان الحياء كان كالمأمور بفعل كل محظور. Regardez la première explication qu'ont donné les hommes de science à ce hadith. Et ces explications, on les retrouvera dans Fath al-Bari et dans notre livre de ulama. Première explication, ils disent que ce hadith veut dire, c'est un ordre qui nous donne en réalité une information. C'est-à-dire, ce qui empêche la personne de s'engouffrer dans le mal, c'est la pudeur. Et si la personne délaisse la pudeur, c'est comme celui qui est condamné à faire des interdits. Il n'y a pas de pudeur, on va être condamné à faire des interdits. المعنى الثاني هو التهديد، أي اصنع ما شئت فإن الله يجزيك. Deuxième explication de ce hadith, c'est que ce hadith est un avertissement. C'est-à-dire, fais ce que tu veux, mais Allah Azza wa Jal te jugera pour ça. المعنى الثالث انظر إلى ما تريد فعله فإن كان مما لا يستحي منه فافعله وإن كان مما يستحي منه فدعه واتركه. Troisième explication de ce hadith, c'est observe chaque acte que tu veux faire. Lorsque tu veux faire une action, observe-la. Si c'est une chose dont tu n'as pas à avoir honte, alors fais-la. Par contre, si c'est une chose où tu vas avoir honte de le faire, alors délaisse-la. المعنى الرابع هذا الحديث هو حث على الحياء وتنويه بفضله، أي لما لم يجوز صنع جميع ما شئت لم يجوز ترك الحياء. Quatrième et dernière explication donnée par les hommes de science concernant ce hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: parmi les choses que les gens ont retenues des premières prophéties, c'est si tu n'as pas honte, si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Quatrième explication, ce hadith est en réalité un encouragement à la pudeur et une indication à son mérite. C'est-à-dire, puisqu'il n'était pas permis de faire ce que tu veux, alors il ne t'est pas permis de délaisser la pudeur. Regardez comme les deux choses vont ensemble. وَيَقُولُ الشَّاعِرُ وَرُبَّ قَبِيحَةٍ مَا حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ رُكُوبِهَا إِلَّا الْحَيَاءُ فَكَانَ هُوَ الدَّوَاءَ لَهَا وَلَكِنْ إِذَا ذَهَبَ الْحَيَاءُ فَلَا دَوَاءُ. Regardez ce que dit le poème. Il explique bien cette explication religieuse, ce sens religieux. Il dit, maintes fois, parle avec lui-même, il dit, maintes fois, seule la pudeur m'a empêché de commettre une mauvaise action, une turpitude. Pudeur fut le remède à cette turpitude. S'il n'y a pas de pudeur, il n'y a plus de remède. Un des remèdes à la turpitude et aux mauvaises actions et aux immoralités, c'est quoi? C'est la pudeur. C'est ça qui t'empêche de tomber dans la désobéissance et c'est ça qui t'empêche de diminuer le droit de quelqu'un. ou ne pas respecter le droit d'une personne. Voilà pour ce qui était de la pudeur au sens littéral et au sens religieux. Thaniyan, al-haya'u khassiyatun bashariyah. Nous allons voir que la pudeur est une spécificité humaine. C'est comme ça qu'Allah Azzawajal a créé l'homme. Et s'il n'y a plus de pudeur, c'est que l'homme est sorti de sa nature saine. اعلموا أن الحياء من خصائص الإنسان حباه الله به ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهي فلا يكون كالبهائم. Regardez, sachez que la pudeur est une spécificité humaine dont Allah Azza wa Jal a gratifié les hommes afin qu'ils s'abstiennent de faire ce qu'ils désirent. Et c'est cela, entre autres, qui différencie l'homme des animaux. La pudeur, c'est un frein, un obstacle. ولذلك لما أكل آدم وحواء من الشجرة المحظورة وبدت لهما سوءاتهما راح يجمعان من ورق الجنة أو من ورق الجنة ويضعانه على سوءاتهما وهذا مما يوحي أن الإنسان يستحي من التعري. إنسان يستحي أن يكون عريان وهذا فطرة ولا يتعرى ويتكشف إلا بفساد في هذه الفطرة من صنع إبليس وأعوانه وهم كفر لذلك يقول الله تعالى فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة فتك وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. D'où tire-t-on que la pudeur est une spécificité humaine, qu'on soit musulman ou qu'on soit non musulman? Si ce n'est que le musulman préserve cette pudeur et que le non musulman, cette pudeur n'existe plus. Ou le musulman, lorsqu'il ne s'abstient pas de faire des péchés ou de commettre des immoralités, sa pudeur diminue, jusqu'à voire même être inexistante, qu'Allah nous en préserve. D'où tire-t-on ça? Regardez, lorsque Adam et Ève ont mangé de l'arbre interdit, et que leur nudité est apparue, quelle a été leur réaction? Ils ont ramassé des feuilles du paradis, et les ont posées tout de suite sur leur nudité. Ceci montre qu'instinctivement, l'homme est gêné face à la nudité. Et ceci fait partie de la pudeur. Et que s'il se dénude, si l'homme se dénude, et si aujourd'hui les gens sont arrivés à se dénuder et à s'exposer comme, si, comme ils s'exposent, ce n'est qu'à part une perversion. Ce n'est qu'une perversion de sa nature humaine qui est causée par Shaitan et par ses alliés. Et les moyens et les alliés de Shaitan sont nombreux. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, dans Surat Al-A'raf, il dit « Et alors Shaitan les a séduits par la tromperie. Puis lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur est apparue. Et ils commencèrent tour d'eux. Ils ont recherché des feuilles d'arbre pour cacher leur nudité. Et Allah Azza wa Jal les a appelés en leur disant, ne vous ai-je pas interdit de vous approcher de cet arbre? Et ne vous ai-je pas dit que le diable est véritablement pour vous un ennemi déclaré? وَلَقَدْ قَرَّرَ الْأَنْبِيَاءُ جَمِيعًا هَذِهِ الْخَاصِيَّةِ فَتَنَاقَلَتْهَا الرِّسَالَاتُ جَمِيعًا من النبوة الأولى إلى النبوة الخاتمة ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Et regardez, tous les prophètes عليهم الصلاة والسلام ont confirmé cette spécificité humaine. C'est-à-dire que la pudeur est un caractère humain. Et ceci de révélation en révélation, de message en message, de la première génération, du premier des prophètes, jusqu'au dernier des prophètes. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari, il dit, parmi les choses que les gens ont retenues des premières prophéties, c'est si tu n'as aucune pudeur, fais ce que tu veux. وَلَقَدْ كَانَ الْعَرَبُ فِي جَاهِلِيَّتِهَا الْأُولَى تَسْتَحْيِي فَهَذَا أَبُو سُفْيَانَ قبل إسلامه عندما وقف أمام هرقل وهذا ذكرناه في درس السيرة هرقل يسأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أبو سفيان عن النبي فأجاب على هرقل بالصدق لماذا؟ يقول أبو سفيان لولا الحياء لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. فالحياء كانت موجودة عند العرب. وهذا الحديث في صحيح البخاري. Et regardez, même les Arabes, dans leur époque de Jahiliya, ils éprouvaient de la pudeur. Même dans l'état dans lequel ils étaient, ils éprouvaient de la pudeur. Ainsi Abu Sufyan, lorsqu'il était devant Hirakal, et ceci avant de se convertir à l'islam, avant qu'Abu Sufyan ne se convertisse à l'islam, il s'est présenté devant Hirakal, lorsque Hirakal, Héraclius, a reçu le message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a interrogé Abu Sufyan à propos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Sufyan, alors qu'il n'était pas encore musulman, a répondu à toutes les questions de Héraclius de manière véridique. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, si ce n'était pas par pudeur qu'il découvrait que je mentais, j'aurais menti sur le prophète, sans hésitation. Ça veut dire qu'à l'époque, la pudeur existait. Et ils avaient honte qu'on dise, un tel est un menteur. Et regardez l'état dans lequel Allah Azza wa Jal nous a créés. Allah Azza wa Jal nous a créés avec cette attitude, ce comportement de pudeur. Et regardez où nous ont amenés ceux qui appellent à la nudité. Après, on veut nous parler de progrès. On veut nous parler d'évolution. C'est plutôt la décadence et la nudité. L'homme, à la base, il était vêtu. Et aujourd'hui, l'homme et la femme sont dévêtus. Ceci n'est pas un progrès. Ceci est une décadence. Nas'alullah al-afiya. Wallahi yahfad al-muslimin wal-muslimat. Al-amru thalith. Fada'ilu al-haya. Nous allons voir maintenant les mérites de la pudeur. Et ils sont nombreux. اعلم أخ الإسلام أن الحياء ذو مناقب كثيرة فالحياء مادة الخير والفضيلة وبهذا وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله وفي حديث آخر الحياء كله خير. Et sachez que la pudeur a de nombreuses vertus. Et quelle est la source du bien et du mérite? Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit dans le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, et ce hadith est dans l'authentique de lui-même muslim, la pudeur n'est que le bien. فَمِنْ فَضَائِلِ الْحَيَا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يُحِبُّ الْحَيَا يَقُولُ النَّبِيُّ sallallahu alayhi wa sallam إِنَّ اللَّهَ حَيِّيٌ سِتِّيرٌ ماشي سِتَّار ستير يحب الحياء والستر وهذا أخرجه الإمام أبو داود والنسائي وأحمد وهو حديث صحيح. Parmi les mérites de la pudeur, il y a qu'Allah aime la pudeur. Écoutez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le hadith est authentifié. Il dit, Allah Azza wa Jal est pudique et Allah est décent. Et Allah aime la pudeur et la décence. Ici, je vais faire une remarque. Nous avons dit que nous nommons, nous sommes Allah Azza wa Jal bima samma bihi nafsahu ou bima samma bihi Nabi sallallahu alayhi wa sallam rabbahu. Wa lam yathbut fi kitab Allah wa la fi hadith sahih an min asma' Allah as-Sittar. La naqul 'abd as-Sittar ou naqul ya Sittar, bal as-Sittir. Et une petite remarque aussi, parce que nous avons dit que nous nommons Allah Azza wa Jal que par la façon dont il s'est nommé ou par la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé Allah Azza wa Jal. Et Allah ne s'est pas nommé en tant que Sattar. Il s'est nommé en tant que Sittir. Donc c'est une erreur de dire Abdu Sattar. Il faut dire Abdu Sittir. Min fada'ili al-haya anna al-haya'a khuluqul islam. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna li kulli dinin khuluqa wa khuluqul islami الحياء. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه. Parmi les mérites de la pudeur, il y a le fait que la pudeur est le caractère de l'islam et le comportement de l'islam. Regardez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit chaque religion a un caractère ou un comportement, et le caractère, le comportement de l'islam est la pudeur. ومن مناقب الحياء أنه من الإيمان. يقول عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري. Parmi les mérites de la pudeur, et que la pudeur fait partie de la foi, il a été rapporté dans l'authentique de l'imam Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant un homme parmi les Ansar, alors que celui-ci exhortait son frère, un de ses frères, à la pudeur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, laisse-le, car la pudeur fait partie de la foi. وَمِنْ مَنَاقِبِ الْحَيَاءِ أَنَّهُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين وهو في صحيح البخاري وصحيح مسلم الحياء لا ياتي إلا بخير. Parmi les mérites de la pudeur, il y a le fait que la pudeur amène au bien ou n'amène que du bien. Dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, Imran ibn Hussein radiallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La pudeur n'amène que le bien. » والحياء يقود إلى الجنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث في سنن الترمذي الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. نسأل الله العافية. Aussi la pudeur amène ou mène vers le paradis. Regardez ce que le prophète صلى الله عليه وسلم dit. Il dit la pudeur fait partie de la foi. Et la foi amène au paradis. Et le prophète s'est dit, et au contraire, l'obscénité fait partie de la perversité ou de la dureté, et la perversité ou la dureté mène en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Voilà pour ce qui est de quelques mérites de la pudeur. Al-amr al-rabi' anwa'u al-haya'. Nous allons voir le quatrième point qui est les différentes catégories de la pudeur. Fa'anwa'u al-haya'i thalatha. الحياء من الله جل وعلا أن يستحي العبد من ربه سبحانه وتعالى. النوع الثاني الحياء من الناس أن يستحي العبد من الناس. النوع الثالث حياء المرء من نفسه أن يستحي المرء من نفسه. Sachez, comme l'ont dit les hommes de science, que les catégories de la pudeur sont au nombre de trois. Il y a la pudeur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. C'est le plus haut niveau de la pudeur. Il y a la pudeur vis-à-vis des gens. Et troisièmement, il y a la pudeur vis-à-vis de sa propre personne. Le musulman est même pudique vis-à-vis de lui-même. فَالْحَيَاءُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ نَبْدَأْ بِهَا. Nous allons commencer d'abord par la pudeur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. اِعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهِ أَنَّ ذَمَّ اللَّهِ تَعَالَى فَوْقَ كُلِّ ذَمْ ومدحه فوق كل مدح والمذموم من ذمه الله المحمود من حمده الله عز وجل فالله أحق أن يستحيا منه. Et sachez que le blâme, le reproche d'Allah عز وجل est au-dessus de tout reproche, et que l'éloge d'Allah عز وجل au-dessus de tout éloge, et le blâmé est celui qu'Allah a blâmé, et le loué est celui qu'Allah Azzawajal a loué et a fait ses éloges. Et qu'Allah Azzawajal est plus en droit qu'on éprouve de la pudeur vis-à-vis de lui. Avant d'avoir de la pudeur envers les gens ou envers soi-même, il faut impérativement avoir de la pudeur envers Allah Azzawajal. وَالْحَيَاءُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى طَرِيقٌ إِلَى إِقَامَةِ كُلِّ طَاعَةٍ صَاحِبُ الْحَيَاءِ يُقِيمُ الطَّاعَةَ وَاجْتِنَابٍ كُلِّ مَعْصِيَةٍ صَاحِبُ حَيَاءٍ بعيد عن المعاصي لأنه إذا خاف العبد ذم ربه لم يرفض له طاعة ولم يقرب معصية وبذلك يكون الحياء من الإيمان. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أخرجه الإمام بخاري والإمام مسلم الإيمان بدع وسبعون شعبة فأفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Et la pudeur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, c'est la voie permettant d'accomplir toute obéissance. Celui qui a de la pudeur commettra l'obéissance. C'est aussi la voie qui permet de s'éloigner de toute interdiction. Celui qui a de la pudeur ne s'approche pas des interdictions. Car si le serviteur, si la personne craint le reproche d'Allah Azza wa Jal, il ne rejettera pas l'obéissance d'Allah Azza wa Jal et il ne s'approchera pas de la désobéissance. Et c'est pourquoi nous disons que la pudeur fait partie de la foi. Et ceci est confirmé par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On retrouve ce hadith dans l'authentique de l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La foi est un peu plus de 70 branches. Le plus haut niveau est le fait de dire « La ilaha illallah ». Le plus bas niveau est le fait de retirer un obstacle du chemin. Et la pudeur fait partie de la foi. وقد حث شرع على الاستحياء من الله تعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى يحفظ البصر من كل أمر محرم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والبطن وما حوى يحفظ قلبه من الشوائب ويحفظ بطنه من الحرام وليذكر الموتى والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة سبحان الله اجعلنا نطبق هذا الحديث وهذا أخرجه الإمام الترمذي وأحمد والحاكم رحمهم الله. Et c'est pourquoi la religion encourage à éprouver de la pudeur vis-à-vis d'Allah Azzawajal, comme il se doit. Qu'est-ce que ça veut dire éprouver de la pudeur envers Allah comme il se doit? Écoutez ce hadith prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Éprouvez de la pudeur vis-à-vis de votre Seigneur comme il se doit. » Et que celui qui éprouve de la pudeur vis-à-vis de son Seigneur comme il se doit, qu'il préserve sa tête et ce qu'elle contient. C'est-à-dire les yeux, l'ouïe, tout ce qu'on peut faire avec notre tête. On préserve notre tête et l'essence de toute chose qui est haram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue de dire, et qu'il préserve son ventre et tout ce qu'il renferme. Et il y a le cœur et il y a le fait de manger tout ce qui est interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et qu'il se souvienne de la mort et de l'épreuve. Et que celui qui désire l'au-delà délaisse la parure de cette vie. Et celui qui éprouvera la pudeur d'Allah Azzawajal comme il se doit, et celui qui fait cela sera celui qui aura éprouvé de la pudeur vis-à-vis d'Allah comme il se doit. هذا الحياء من الله. Allah يجعلنا نستحي منه. الحياء من الناس. النوع الثاني. Deuxième forme de pudeur, c'est la pudeur vis-à-vis des gens, des autres. ويدخل في جملة الحياء استحياء الناس بعضهم من بعض كحياء الولد من والده والمرأة من زوجها والجاهل من العالم والصغير من الكبير هذا كله من حياء الناس بعضهم بعضا. Que veut dire la pudeur vis-à-vis des gens? La pudeur vis-à-vis des gens inclut la pudeur des gens les uns envers les autres. Comme par exemple l'enfant qui a de la pudeur envers son père. Ou lorsque la femme marque de la pudeur envers son mari, ou l'ignorant a de la pudeur vis-à-vis du savant, ou que le petit a de la pudeur vis-à-vis du grand, et ainsi de suite. Troisième forme de pudeur, c'est la pudeur de la personne vis-à-vis de sa propre personne. Et écoutez les paroles que nous avons citées. وهذا ضرب من الحياء تحس به النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة لا يعرف هذا النوع من الحياء إلا النفس الطيبة فلا تقنع بالنقص والهون فيجد المرء نفسه مستحيا من نفسه لكأنه له نفسين يستحيي بأحدهما من الأخرى هذا هو حياء المرء من نفسه وهذا القسم من كمال الحياء فإن العبد إذا استحيا من نفسه فهو أولى أن يستحي من غيره. Et avoir de la pudeur envers sa propre personne, c'est une forme de pudeur que connaissent les âmes nobles, élevées, et qui n'acceptent ni le manque, ni l'abaissement, ni l'humiliation. Et l'âme ou la personne qui éprouve de la pudeur envers lui-même, c'est comme s'il possédait deux âmes. L'une éprouve de la pudeur par rapport à l'autre. Et ceci, mes frères, est la perfection de la pudeur. Parce que si la personne éprouve de la pudeur vis-à-vis de sa propre personne, a fortiori, il éprouvera de la pudeur vis-à-vis des autres. Et la pudeur se retrouve où? La pudeur se retrouve dans la façon de parler, dans la façon de marcher, dans la façon de s'asseoir, dans la façon de manger, dans la tenue vestimentaire, L'homme est soumis à des règles dans la tenue vestimentaire, de la même manière que la femme est soumise à des règles dans la tenue vestimentaire, pour préserver cette spécificité humaine, qui est la pudeur. Et regardez, en préparant le cours aujourd'hui, j'ai remarqué que l'imam al-Nawawi, rahimahullah, il a écrit le chapitre Kitabul Adab, le chapitre du Adab, du bon comportement, des bonnes règles de moralité. Et le premier chapitre qui est cité dans Kitabul Adab, c'est Babul Haya wa Fadlihi wal Hathi ala Takhalluqi Bihi. Il cite le premier Adab à avoir, c'est le comportement de pudeur, d'être pudique. Et que l'islam encourage à la pudeur et à adopter une attitude pudique. Et ensuite, l'imam al-Nawawi rahimahullah, dans Riyad al-Salihin, il cite les autres formes de adab. Le adab à avoir lorsqu'on parle, lorsqu'on s'assoit, lorsqu'on mange, lorsqu'on dort. Parce que la personne qui n'a pas le haya, pudeur, ne pourra pas avoir du bon comportement, des bonnes règles de moralité, dans sa façon de se comporter, dans sa façon de parler, dans sa façon de s'habiller. Et c'est pourquoi on voit aujourd'hui l'état de l'humanité et des musulmans en particulier. Al-amr al-khamis. Umur tu'inu ala al-haya. Nous allons voir ce qui aide à la pudeur et à avoir ce comportement qu'Allah aime et agrée. I'lam akha al-islam anna al-haya'a maddatu al-khayr wa maddatu al-hayat. Fa'ala hasbi hayati al-qalb يكون خلق الحياء وقلة الحياء من موت القلب والروح والعياذ بالله فكلما كان القلب حيا كان الحياء أتم. Sachez mes frères que la pudeur est la source de la vie. Et d'ailleurs dans un des sens du mot pudeur en arabe, il y a al-haya, al-hayat. Je ne l'ai pas développé au début, mais un des sens dans la langue arabe, c'est al-hayat, de la pudeur, c'est al-hayat, la vie. Donc la pudeur est source de la vie. Et la pudeur sera en fonction de la vie du cœur et de la santé du cœur. Le manque de pudeur chez une personne indique la mort du cœur et de l'âme, qu'Allah nous en préserve. Plus le cœur est vivant, plus le cœur est en bonne santé, plus il a la crainte d'Allah azawajal, plus la pudeur en Allah azawajal est grande. فما هي الأمور التي تعين على الحياء؟ Quelles sont les choses, les points qui nous aident à avoir de la pudeur؟ أولا مراقبة الله تعالى. فمتى علم العبد أن الله ناظر إليه قريب منه جل جلاله أورثه هذا العلم حياء منه سبحانه وتعالى. La première chose qui va vraiment nous aider à avoir de la pudeur envers Allah Azzawajal, c'est le fait de se rappeler qu'Allah Azzawajal nous observe à chaque moment et en chaque endroit. Lorsque la personne sait qu'Allah l'observe, lorsque la personne sait qu'Allah est proche d'elle, cette science, cette croyance, amène cette personne à être pudique vis-à-vis d'Allah. Puisque, quel que soit l'endroit où tu te trouves, Allah t'observe. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, Allah t'observe. Donc, de ressentir la surveillance d'Allah Azzawajal sur nous, nous aide à avoir une attitude pudique envers notre Seigneur. من الأمور التي تعين على الحياء شكر النعمة. Parmi les points qui nous aident aussi à avoir de la pudeur, c'est le fait de remercier les bienfaits d'Allah Azzawajal. C'est-à-dire, يتولد الحياء من الله تعالى من التقلب في نعم الله التي لا تحصى فيستحي العاقل أن يستعين بها على معصية الله أنعم الله عليك بالنعم فتستحي أن بهذه النعم نعمة البصر نعمة اليد نعمة الرجل أن تستعملها في معصية الله. Quel est le rapport entre la pudeur et les bienfaits d'Allah Azzawajal? Et pourquoi les bienfaits d'Allah rajoutent chez nous de la pudeur? Parce que la personne ressent qu'Allah Azzawajal lui a donné de ses innombrables bienfaits. Nous tous, nous baignons dans les bienfaits d'Allah. La santé, la vue, l'ouïe, le fait de marcher, le fait de parler, le fait d'être en bonne santé, le fait d'être musulman, d'être croyant, le fait d'être sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'être sur la voie des salaf salih, sur la croyance des gens de la sunna de la jama'a. N'est-ce pas un bienfait d'Allah? Mais la personne, lorsqu'elle ressent tous ces bienfaits d'Allah sur elle, elle aura honte d'utiliser ses bienfaits dans la désobéissance d'Allah. Comment utiliser la main qui est un bienfait d'Allah dans la désobéissance d'Allah? On ne peut pas le faire. Comment utiliser notre vue dans la désobéissance d'Allah? Comment utiliser notre ouïe, notre intelligence, notre force, notre jeunesse dans la désobéissance d'Allah? Ceci va faire naître chez nous la pudeur envers Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà pour ce qui était des points qui nous aident à avoir de la pudeur. Al-amr sadis wal akhir al-umur allati la tu'add min al-haya. Le sixième et dernier point, ce sont des points que beaucoup de gens pensent que ces points-là font partie de la pudeur. Non, en réalité, ça ne fait pas partie de la pudeur. Et généralement, c'est dû à l'ignorance des gens. Les gens ne connaissent pas le haqq du batil, donc les choses se mélangent dans leurs esprits. من الأمور التي لا تعد من الحياء عدم قول الحق والجهر به وهذا بضوابطه الشرعية. Parmi les points qui ne font pas partie de la pudeur et que certaines personnes ou parfois même beaucoup de gens pensent que ça fait partie de la pudeur, c'est le fait de ne pas dire la vérité à voix haute. Être dans une situation où on doit dire la vérité. On a la connaissance de dire la vérité. On sait que dire cette vérité ne va pas engendrer un mal, un plus grand mal que la situation dans laquelle on est. Peut-être les gens en face de nous vont accepter cette vérité. Et on se tait par pudeur. Ceci ne fait pas partie de la pudeur. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباب ولا يقال رب حياء يمنع من قول الحق أو فعل الخير لأن ذلك ليس شرعيا. Écoutez ce que dit l'imam Ibn Hajar al-Asqalani dans Fath al-Bari, rahimahullah. Il dit al-Hafidh, et il ne faut pas dire que parfois la pudeur nous empêche de dire la vérité, ou nous empêche de faire le bien, car ceci n'est pas conforme à la charia. Ceci n'est pas la pudeur. Nous allons voir quel nom donnent les ulama à cette attitude. Mais en tout cas, ce n'est pas de la pudeur. Ça ressemble à la pudeur, mais ce n'est pas de la pudeur. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم قد يشكل على بعض الناس من حيث إن صاحب الحياء قد يستحي أن يواجه بالحق من يجله من يعظمه فيترك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وقد يحمله الحياء على الإخلال ببعض الحقوق وغير ذلك مما هو معروف في العادة. Écoutez ce que dit l'imam al-Nawawi rahimahullah dans l'explication de l'authentique de l'imam muslim. Il dit, parfois dans l'esprit de certaines personnes, ça peut être ambigu qu'une personne puisse, une personne qui a de la pudeur, à cause de cette pudeur, n'amène pas une vérité à une personne qui respecte. On se retrouve dans une situation où en face de nous, on a une personne qu'on respecte énormément. On peut penser que la pudeur nous empêche d'ordonner le bien, ou d'interdire le blâmable. Si effectivement, comme nous avons dit, le blâmable est avéré, et le fait d'ordonner le bien est avéré. Et parfois, cette pudeur, elle pousse la personne à délaisser certaines obligations religieuses. Et ceci, on le retrouve dans les sociétés. Et cela n'est pas une attitude pudique. Cela ne fait pas partie de la pudeur. Quelle est la réponse à ce ishkel? Quelle est la réponse à cette ambiguïté? وجواب هذا ما أجاب به جماعة من الأئمة منهم أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله يقول إن هذا المانع الذي ذكرناه ليس بحياء هذا المانع الذي يمنع من قول الحق ليس الحياء بل هو عجز وخور ومهانة العكس وإنما تسميته حياء من إطلاق بعض أهل العرف أطلقوه مجازا لمشابهته بالحياء الحقيقي وإنما الحياء الحقيقي خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق كما قلنا في تعريف الحياء في تعريفه الشرعي. Écoutez la réponse que donnent les hommes de science à cette ambiguïté. Parfois, ça peut nous arriver. On est dans une situation, on voit une chose qui est répréhensible, et par pudeur, on ne dit rien du tout. Mais attention, il ne faut pas faire une catastrophe non plus. Il dit, Ibn Sallah, rahimahullah, ce qui empêche la personne d'ordonner le bien ou d'interdire le bien, ceci n'est pas la pudeur, mais c'est plutôt l'impuissance, la faiblesse ou l'humiliation. Soit tu es dans une situation de faiblesse ou d'humiliation et d'impuissance, c'est ça en réalité qui t'empêche de dire la vérité. Et les gens l'ont appelé cette attitude, cette fausse attitude, qui ressemble à la pudeur, l'ont appelé pudeur, mais en réalité ce n'est pas de la pudeur. Pourquoi ? Parce que souvenez-vous de la définition de la pudeur. La pudeur, c'est un comportement qui va nous pousser à délaisser ce qui est répréhensible. Donc si en face de toi tu as une action répréhensible, tu ne peux pas te taire ou tu ne peux pas au moins l'accepter dans ton cœur. Et c'est aussi la pudeur d'empêcher, d'éviter, de diminuer le droit d'une personne. Voilà pour ce qui est la réponse pour la première ambiguïté. من الأمور التي لا تعد من الحياء الحياء في طلب العلم. Parmi les points qu'il ne faut pas partir du tout, mais du tout de la pudeur, c'est d'évoquer la pudeur lorsqu'il s'agit de faire talab al-ilm. Quand il faut faire le haram, il n'y a pas de pudeur. Quand il faut se retrouver dans une situation ambiguë, les gens, lorsqu'ils te voient dans cette situation, tu leur donnes de quoi parler sur ton honneur. C'est pas, on ne parle plus de pudeur. Mais on évoque la pudeur lorsqu'il s'agit de poser des questions dans la religion. Ceci n'est pas, fait pas partie de la pudeur. اسمعوا ما تقول عائشة رضي الله عنها تقول نعم نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. شوفوا لم يمنعهن الحياء كانت عندهم عندهن الحياء ولكن هذا الحياء لم يمنعهن أن يتفقهن في الدين أن يتعلمن أحكام الدين. وقال الإمام مجاهد رحمه الله لا يتعلم العلم مستحي ولا متكبر. وحديث عائشة أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعليقا وأثر الإمام مجاهد أخرجه أبو النعيم في الحلية. Regardez ce que dit Aïcha radiallahu anha à propos du comportement des femmes Ansar. Elle disait quelle excellente femme sont les femmes des Ansar, car la pudeur ne les empêchait pas de s'instruire dans la religion d'Allah. La pudeur ne les empêchait pas. Elles avaient de la pudeur ou pas? La pudeur ne les empêchait pas de s'instruire dans la religion d'Allah. Au point que certaines femmes venaient interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur des sujets délicats. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait. Et les femmes posaient leurs questions. Et c'est une erreur de dire « La haya fiddi ». Le fait de dire « Il n'y a pas de pudeur en religion », c'est une erreur et c'est inexact. Il faut dire « La tamna'na al-haya an nas'ala fiddin ou nata'allam ad-din ». Il ne faut pas dire « Il n'y a pas de pudeur, il n'y a pas de honte en religion ». Même si on a compris ce que la personne veut dire, mais en réalité, il faut plutôt dire « La pudeur ne doit pas nous empêcher d'apprendre notre religion ». Et regardez ce que disait l'imam Mujahid, rahimahullah. Il disait « Deux personnes n'apprennent pas. Al-Mustahyi, celui qui a de la haya, de la pudeur, et celui qui est orgueilleux. Deux personnes n'apprennent pas, le timide et l'orgueilleux, qu'Allah nous en préserve. » Voilà ce qui, pour ce qui était du cours sur Al-Haya. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا خلق الحياء وأن يرزق نساءنا الحياء وأن يرزق بناتنا وأولادنا الحياء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.